La période des fêtes est un bon temps pour se faire de bons repas. À la boucherie François Ladoux, nous offrons tout ce qu'il faut pour vous accommoder pendant cette belle période. Une boucherie où la viande est de qualité et d'une fraîcheur irréprochable est servie avec le grand sourire. Tous les employés de la direction de boucherie François Ladoux sur 227 6e Avenue à Dolbeau-Missassigny vous remercient de votre confiance témoignée pendant l'année qui s'achève et vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année. Boucherie François Ladeau au numéro de téléphone 418-276-4888. Bonjour, ici Léon-Paul Darvaux, président du conseil d'administration de la SADC Maria-Chapdelaine. Permettez-moi de vous souhaiter, au nom du conseil d'administration et du personnel de la SADC, une heureuse période des fêtes et que la nouvelle année soit des plus prospères pour notre collectivité. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC Maria-Chapdelaine. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Missassigny, au numéro de téléphone 418-276-8080. Les sentiers du centre de ski, le Domiski, question que je me posais depuis le début des retours des fêtes, est-ce que les sentiers sont ouverts? Et comment ça fonctionne depuis le début? On sait que généralement, il y a un gros chiffre d'affaires, ça se déroule entre Noël et Jour de l'An. Puis pour une deuxième année consécutive, il n'y a pas eu beaucoup de sentiers ouverts. Question d'en savoir davantage, bon, on rejoint le nouveau directeur général du centre de ski, le Domiski, Guillaume Pétrin. Bon après-midi, Guillaume. Bonjour, Daniel. Ça va bien, Guillaume. Effectivement, pour une deuxième année consécutive, ça n'a pas beaucoup skié entre Noël et Jour de l'An. Ben non, on cherche la neige, mon cher Danny. On cherche la neige, mais on a quand même réussi à ouvrir avec l'aide des bénévoles et puis la municipalité aussi qui nous a aidés et puis les employés. On a réussi à ouvrir quand même le centre. Le centre est fonctionnel, les pistes de raquettes, les sentiers de fat bike, le ski de fond, le ski alpin, la planche à neige, tout ça, puis les glissades sur dessus. Fait qu'on réussit à ouvrir le centre pareil puis offrir des services à la clientèle. Okay. Mais généralement, ça prendrait quoi? Ça prendrait une bonne tempête pour Ouais. Oui. Oui, parce que là, présentement, on peut pas installer nos modules pour le parc à neige. Okay. Donc, il y a vraiment pas assez de neige. Et puis, il y a une piste, la piste numéro 6, qui est fermée aussi, compte tenu des conditions là, de glisse. Là. Donc, OK. Est-ce que c'est... parce que, bon, le congé n'est pas tout à fait terminé. Je pense que ça se termine jeudi. Donc, j'imagine que vous avez été capable quand même de sauver un peu les dégâts. Là, parce que on l'a dit, c'est au moins 30% qui se retrouve du chiffre d'affaires qui se retrouve en Noël puis Jour de l'An. Ouais, ben on a réussi quand même ça à ouvrir durant le temps des fêtes et puis on a eu un bon retour de la population qui sont quand même venus nous visiter même si les conditions n'étaient pas optimales. Et puis on a réussi à vendre aussi des passes de saison. Surtout que la vente des passes de saison a été un peu plus au ralenti, la pré-vente, je te dirais. Mais quand on a ouvert le centre, on a réussi quand même à vendre quelques passes de saison. Donc ça nous aide grandement. Et puis vu qu'on a aussi renouvelé nos installations, puis on les a mis à jour, ça a ramené du monde aussi à Domiski. Il y a beaucoup de gens qui redécouvrent après des dizaines d'années d'absence le centre plein air de Domiski. Est-ce que c'est sûr que c'est ta première année, Guillaume? Est-ce que ça a paru pareil? Parce qu'on dit l'an passé, le fait qu'il n'y avait pas eu de neige, ça avait commencé, je pense, le 4 ou 5 janvier, quelque chose comme ça. Ça va nuire beaucoup à la pré-vente pour l'an prochain. Est-ce que ça a paru? Est-ce que du côté des pré-ventes, mettons, est-ce que les cartes de membres ont été aussi bonnes que l'an dernier ou les autres années? Bien, ça, j'ai pas toute l'information sous la main, mais c'est sûr que les gens sont plus frileux, là. Alors, je peux me prendre l'expression, là. Je discutais justement avec la clientèle. Puis il y en a, là, qui ont attendu. Puis là, quand on a ouvert le centre, les pistes ouvertes, les gens appelaient, on peut encore profiter de la pré-vente. Bien, malheureusement, la pré-vente était manquée. Fait qu'il l'avait manqué, mais pour répondre un peu à ce besoin-là, on avait fait une vente d'après Noël le 27 décembre pour justement permettre à ceux qui avaient manqué la prévente de profiter quand même d'un petit rabais pour augmenter les ventes de billets de saison. Mais là, présentement, ça on en vend quand même à chaque jour, là, les jours qu'on est ouverts, là. Fait qu'on réussit à sortabiliser la tête. Est-ce que c'est comparable au club de golf? Je m'explique. Les clubs de golf, les parties journalières, les parts journalières, c'est très payant. Est-ce que c'est un peu le même principe? Ben, je dirais que nous, on a quand même un tarif assez bas, journalier, puis même les passes de saison, on essaie de garder ça vraiment bas, le plus bas possible. C'est sûr que cette année, on a réajusté certains prix, comme la glissade sur tube, on a réajusté les prix. Ça faisait des années que les prix n'avaient pas été ajustés. Et puis, compte tenu du travail qu'on met beaucoup dans les rénovations des installations, à un moment donné, il faut que le prix suive les efforts qu'on fait. Parce que nous, dans le fond, ce que les gens comprennent, c'est pas des installations, c'est on s'autofinance beaucoup avec la billetterie. Donc on est un organisme, dans le fond, non lucratif, mais pratiquement indépendant. On a beaucoup d'aide de la ville concernant les installations comme notre machinerie, le télésiège, tout ça. Mais notre principale source de revenus, c'est la billetterie. Donc on n'a pas le choix à un moment donné aussi d'ajuster nos prix en conséquence de ça, de cette réalité-là. Okay. Dis-moi, il y a pas mal de nouveautés cette année au centre de ski, le Domiski. T'es le nouveau coordonnateur, le nouveau directeur général coordonnateur, appelez ça comme vous voulez. Il y a une nouvelle également au niveau des concessions alimentaires. Il y a une nouvelle organisation de ce côté-là également. Donc, vous avez fait pas mal maison nette cette année, hein? Oui, on a un nouveau site web. Ouais, très beau, là. On a la merci beaucoup. La page Facebook, on la tient à jour. On développe vraiment l'offre. On veut vraiment que la famille se réapproprie le centre. On veut vraiment aussi que la population en général de la MRC, Mario-Chapdelaine, se réapproprie le centre. Parce que ça, c'est un des constats, justement, des derniers sondages qu'on a fait, puis si le CA s'est rendu compte. On voulait vraiment redonner ça, rendre la montagne accessible à tous. Donc, puis on se rendait compte de ça que les gens... c'était beaucoup les enfants, les adolescents qui venaient, puis les parents, ils venaient étant jeunes. Fait que là, on a dit, non, là, maintenant, vous pouvez venir, là, puis on a vraiment une belle offre de service. Donc, on a renouvelé beaucoup de choses, et puis déjà, la clientèle s'en rencontre. On a installé des feux de camp, autant au sommet des pistes qu'à la base. Fait que des fois, les parents peuvent venir ici regarder leur enfant glisser. On a maintenant des livres aussi, des jeux de société, donc, on a tout repeinturé avec le Carrefour Jeunesse Emploi. On a refait peinturer le sous-sol. On a installé une table de travail pour les jeunes pour qu'ils puissent travailler leur planche à neige. Donc, on est très, très, très dynamique. En fait, ce que vous vouliez, c'est un petit peu démontrer que le centre de ski, le demi-ski, c'est pas juste une question de ski alpin. Hein. Faut que ce soit également un centre plein air. D'accord avec ça? Exactement. Oui, très, très d'accord. C'est pour ça qu'on a changé aussi l'appellation sur le site web puis sur la page Facebook. Maintenant, c'est rendu centre plein air domicile. Okay. Et puis, comme nos sentiers de raquettes, là, en fin de semaine, j'avais des gens qui sont venus puis on dit, on veut pas trop vous faire enfiler la tête, là, mais c'est dans les plus beaux sentiers de raquettes qu'on a vus. Ça longe la rivière Aura. C'est vraiment bien entretenu. Il y a des refuges aussi. Il y a deux refuges que les gens peuvent utiliser. Donc, c'est vraiment... Puis là, maintenant, on cohabite, on fait la cohabitation avec le Fat Bike, le ski fond, puis la raquette. Donc, on travaille fort vraiment pour améliorer la signalisation, pour que tout le monde puisse se respecter là-dessus. Parlons-en du Fat Bike. Moi, j'ai énormément confiance à l'avenir de ce sport-là. Le vélo, en plein été, ça progresse énormément. Le Fat Bike, je dirais que c'est depuis 3 ans qu'on voit vraiment ça. Est-ce que vraiment on va développer ça dans les prochaines années, des pistes de fat bike? Il me semble que ça aurait vraiment du sens, ça. Bien, au moment où on se parle, Annie, présentement, là, j'ai deux membres du CA bénévoles, des administrateurs bénévoles, qui travaillent sur un rouleau pour améliorer la qualité des pistes de fat bike. On a une armée de bénévoles, je peux me permettre l'expression, qui travaillent à l'année pour entretenir les sentiers, pour que les sentiers soient utilisés à l'année. Et puis, justement, pour que les sentiers soient aussi accessibles l'hiver pour le fat bike. On a un nouveau vélo-parc pour le fat bike aussi, puis le vélo de montagne. Vraiment, on va avoir des vélos en location aussi. Fait que les gens peuvent les essayer. Quand on a fait notre vente d'après Noël, le 27 décembre, on avait aussi deux vélos en démonstration Donc, les gens ont pu les essayer gratuitement. Donc, c'est vraiment, c'est un sport en pleine effervescence. Puis c'est un sport qui cohabite bien, dans le fond, dans un centre plein air comme le nôtre. OK, OK. Y a-t-il beaucoup de... Est-ce que vous savez un peu le nombre de gens qui pratiquent le fight bike dans la MRC Marie-Chapdelaine? J'ai pas cette statistique-là. Okay. Mais je sais que le club Vélo 2 Max, dans le fond, présentement, on est affilié avec le club Vélo 2 Max de Zolbine Stassini. Et puis, il y a le club Vélo 2 Max celui de Saint-Félicien. Et puis, ça marche bien aussi le fat bike Autobouski à Saint-Félicien. Ouais. Donc, on est vraiment en train... on est hors du lac, là, je peux me permettre. On est en train de développer une belle offre de service pour les fans de fat bike. La programmation, il va y avoir aussi... Bon, Festinex, ça se déroule là, à la semaine de vacances. Il y aura également... Il y aura d'autres activités aussi. Il y a des compétitions de ski alpin aussi tout au long de la... Oui, le Snow Jam. Quand les modules vont être installés, il va y avoir une compétition de planche à neige. Les randonnées clair de lune vont débuter bientôt. C'est vraiment... On va avoir une belle programmation hivernale. Le Festinex, ça va être le 20-21 février. Donc, ça s'en vient vite. Et puis, voilà. OK. Aussi, donc les gens peuvent se procurer toujours la passe journalière, quoi? La passe journalière et la passe... La passe journalière est accessible. Ouais. Et puis, les passes de saison sont encore à vendre. Donc, les gens ont juste besoin de se présenter avec une photo. Okay. Une photo style passeport, une photo du Facebook. Nous, on prend le petit visage, on découpe le petit visage, puis on leur fait une belle passe de saison. Donc, autant pour le fat bike, il y a des passes de saison. Et puis, toutes nos passes de saison donnent accès aux sentiers de raquettes. Donc, on voulait vraiment aussi, vu qu'on a vraiment des beaux sentiers, on voulait que les gens découvrent ça. Et puis, on s'est dit que la meilleure façon, c'était de rendre les sentiers de raquettes accessibles à tous les utilisateurs du centenaire de l'UQ. OK. Donc, on rappelle évidemment les numéros de téléphone. Oui. Bien, dans le fond, les gens peuvent nous communiquer par téléphone au 418-276-4664, okay. 276-4664. Sinon, via notre site web, demiski.com, ou via notre page Facebook, Centre plein air Demiski. OK. Bien, très intéressant, Guillaume. Je sais que tu es un gars qui vient de l'extérieur. C'est le fun de voir que tu viens, qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Normalement, c'est les autres qui partent. Mais, qu'est-ce qui t'a attiré ici en passant? Ah, les défis. Je voulais relever des nouveaux défis. Donc, c'en est tout un ici. On en a un beau, puis on a une belle équipe qui est avec nous autres. Donc, ça travaille bien. Ben, merci beaucoup, puis on se reparle à la fin de la saison. Merci, Danny. Puis là, on va souhaiter un peu de neige. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est le Guillaume Petrin, nouveau coordonnateur du côté du Centre de ski de Domiski.